إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 46 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim. Et avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et donc, on est arrivé aujourd'hui, parce qu'au dernier cours, on a expliqué les hadiths que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné au sujet de la divergence et aussi au sujet de l'interdiction de se disputer ou de diverger au sujet du Coran et en particulier au sujet du Qadar. Donc on a mentionné des hadiths à ce sujet-là, puis on a parlé de l'égarement des gens de Bid'a parmi les Qadariyas, ceux qui ont soit exagéré dans le qadar ou ceux qui ont nié le qadar complètement, ceux qui ont exagéré dans l'affirmation du qadar et ceux qui ont nié, c'est-à-dire qui ont exagéré dans la négation. Et donc c'est les deux extrêmes, les Jabriya et les Qadariya. On a parlé un peu de ça. Donc aujourd'hui on continue avec la suite. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit à la page 330 du volume 1, c'est le passage 173, il dit « وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ لِوُقُوعِ الْمُنَازَعَةِ فِي الشَّيْءِ قَبْلَ إِحْكَامِهِ وَجَمْعِ حَوَاشِيهِ وَأَطْرَافِهِ وَلِهَذَا قَالْ مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ. C'est-à-dire que la plupart des divergences qui se produisent dans ces disputes, au sujet de ces choses-là, elles se produisent, c'est-à-dire par exemple par rapport au qadar ou par rapport à d'autres aspects de la aqida, ces disputes et ces désaccords, ils se produisent après qu'on ait bien compris le sujet. C'est-à-dire elles se produisent avant qu'on ait bien compris le sujet. Et avant qu'on ait ramené et rassemblé tous les textes qui traitent de la question en détail. Et donc, si on n'a pas bien compris, par exemple, un sujet parce qu'on n'a pas ramené tous les textes qui s'y portent ensemble pour comprendre et avoir une idée, une compréhension plus globale et générale du sujet, eh bien c'est sûr qu'on tombe dans un extrême. On a donné l'exemple de ça au dernier cours par rapport aux gens qui ont exagéré dans le qadar. Ceux qui ont exagéré dans l'affirmation du qadar, ils ont exagéré dans l'affirmation de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de nier la volonté des serviteurs. Et ceux qui ont exagéré dans la négation du fait qu'ils ont nié le qadar, ils ont exagéré dans l'affirmation de la volonté du serviteur au point de nier la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont tombés dans, soit dans un extrême ou soit dans l'autre. Tandis que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont pris tous les textes ensemble et ils les ont compris ensemble, sans prendre un extrême et laisser l'autre, ou sans prendre des textes, une partie des textes et laisser l'autre partie des textes. Et c'est ça qui a amené beaucoup de gens à tomber dans l'égarement. C'est pour ça qu'on a expliqué plusieurs fois et dans plusieurs cours déjà auparavant que ceux qui disent, par exemple, à propos des salafis, ils disent « Ah, vous, vous êtes des littéralistes. Hein? Vous prenez le sens littéral du Coran. » On répond à ce sujet-là en disant que oui, on est littéraliste dans le sens qu'on prend les textes tels qu'ils sont, puis on accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire, que ce soit dans les questions de la croyance ou des questions de la pratique. Sauf que de prendre le sens apparent des versets du Coran, ça ne signifie pas de prendre un verset et d'essayer de l'appliquer tel qu'il est, mais plutôt de prendre ce verset et de le ramener avec tous les autres versets et tous les hadiths qui traitent de ce sujet-là, et ensuite de comprendre toutes les règles qui y sont reliées, et là on peut dire qu'on a pris le sens apparent du Coran. Mais si quelqu'un prend un verset sur un sujet tout seul et qu'il laisse tous les autres versets qui parlent de ce même sujet de côté, et qui laisse également tous les hadiths qui parlent de ce sujet-là de côté, et qui ne prend pas tous les détails qui sont reliés à cette question-là, puis qui dit je prends le sens apparent de ce qui est écrit dans le verset, celui-là il a menti. Il n'a pas pris le sens apparent du Coran. Il a pris une partie des versets et une partie du sens, et il l'a appliqué sans comprendre le sens global et le sens général de ce que les textes signifient. Et ça, c'est ce que font les gens de Bid'a, contrairement aux salaf salih. Puisque les salaf, eux, ils ne prenaient pas un texte tout seul, puis ils l'appliquaient sans prendre les autres. Non, ils prenaient tous les textes reliés à un sujet et ils les appliquaient ensemble. Et ils ne frappaient pas un verset contre un autre, ou essayaient de faire paraître, ou essayaient de donner l'impression que les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala se contredisent, ou que les versets et les hadiths se contredisent. Non, au contraire, ils les appliquaient tous ensemble et en harmonie. Et ils connaissaient l'interprétation des versets et les raisons dans lesquelles ces versets-là avaient été révélés, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'ils ont été protégés de l'égarement. Tandis que les autres groupes de bid'a en général sont tombés dans l'égarement et dans l'extrémisme parce qu'ils ont pris juste une partie des textes et ils ont laissé l'autre. Donc le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que c'est pour ça que la plupart des gens sont tombés dans des disputes et dans des désaccords au sujet des questions qui ont rapport avec ces questions-là, avant de les avoir compris de façon complète et de façon claire, sans avoir réuni et rassemblé tous les différents aspects et les différentes dimensions du sujet de la question. Et il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ce que vous connaissez, hein, ce que vous connaissez des textes ou de qu'est-ce qui est dans le Coran, eh bien, appliquez-le. Et ce que vous ignorez du Coran, renvoyez-le à celui qui le connaît, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ça c'est un bon exemple. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique le sens de cette parole-là. Il dit, وَقَوْلُهُ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ لِوُقُوعِ الْمُنَازَعَةِ فِي الشَّيْءِ قَبْلَ إِحْكَامِهِ أي أن السبب في الضلال والشطط الذي وقعوا فيه أن بعض الباحثين أو المتعالمين أو المغرضين إنما يتكلمون في بعض المسائل الشرعية دون أن يستقصوا الأدلة ويقارنوا بينها، وإنما ينتزعون طرفا من هذه الأدلة ويركزون عليه ويتركون بقية الأدلة فيخرجون حكمها مشوها وناقصا. فمثلا الخوارج أخذوا نصوص الوعيد وحدها وحكموا بها وكفروا أصحاب الكبائر وتركوا النصوص الوعد والرحمة والمغفرة وأما المرجئة فعلى العكس أخذوا نصوص الوعد والرجاء وتركوا نصوص الوعيد وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين بين نصوص الوعد والوعيد فسبب هلاك من هلك وضلال من ضل إنما هو الأخذ بطرف من الشرع وترك طرف. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous explique la situation. Il dit, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, que la plupart des disputes qui sont arrivées, c'était à cause des gens qui ont jugé dans une question avant d'avoir bien compris, avant de l'avoir bien compris comme il faut. Il dit, c'est à cause de ça que beaucoup de gens sont tombés dans l'égarement et dans la division. Et c'est ça ce qui est arrivé à beaucoup de chercheurs, hein, des gens qui font des recherches dans la religion, ou bien des muta'alimin, des gens qui ont parfois fait des études universitaires dans certains domaines, mais qui ne sont pas spécialisés dans la charia d'Allah et dans l'étude de l'islam. Donc on retrouve souvent de ces catégories-là parmi ceux qu'on appelle les islamologues, ou bien les sociologues, ou bien les psychologues, ou bien yani, des politiciens, ou bien des journalistes, des gens qui ne sont pas spécialistes en islam, mais qui yani, font des recherches au sujet de la religion musulmane, et qui mélangent n'importe quoi ensemble, et qui sortent avec des résultats et des conclusions totalement erronées. Après, le cheikh, il dit, donc soit que c'est des chercheurs ou des gens qui prétendent à la science, mais en réalité qui sont des juhal, des ignorants, ou bien également des gens qui ont des mauvaises intentions, qui veulent du tort et du mal à l'islam. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Ils parlent au sujet de certaines questions qui ont rapport avec l'islam, sans rassembler, ils prennent pas tous les textes. Quand ils parlent des questions qui ont rapport avec un sujet qui a rapport avec l'islam, ils prennent une partie des textes, mais ils ne ramènent pas tous les textes qui sont reliés à ce sujet-là dans leur recherche, malheureusement, pour essayer de les comparer puis de les ramener ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste une partie des preuves, et puis ils laissent le reste et ils se concentrent juste sur une partie. Et ils laissent le reste. Donc, ils sortent avec un verdict ou une compréhension qui est déformée, qui est incomplète. Et c'est ça ce que les Khawarij ont fait. Par exemple, la bid'a des Khawarij, ceux qui font le takfir des musulmans parce qu'ils disent que ceux qui commettent des grands péchés sont des kuffars et qui se permettent de se révolter contre les dirigeants et ainsi de suite. Eh bien, le cheikh, il explique, il dit, ces gens-là, ils se sont basés juste sur les textes qui parlent de la menace des châtiments d'Allah dans les hadiths. Celui qui fait tel péché, il sera dans le feu de l'enfer. Celui qui fait tel péché, il va être puni. Des fois, ils voient un hadith qui dit, celui qui fait tel péché, il va être en enfer pour l'éternité. Ou des choses comme ça. Donc, ils disent, ah, ben ça, c'est la preuve que c'est un kafir. Et puis il se base là-dessus pour dire que celui qui fait ce péché-là, il est kafir. Mais il laisse de côté tous les autres versets et tous les autres hadiths qui parlent de la miséricorde d'Allah, de sa promesse et de son pardon, et ainsi de suite. Donc ils prennent juste une partie des textes qui parlent de la menace du châtiment, mais ils laissent de côté tous les autres qui parlent de la promesse du pardon d'Allah, de sa miséricorde et de son paradis. Et de sa miséricorde. Donc, c'est un extrême. Tandis que les autres, les murji'a, eux, ils sont dans l'autre extrême, opposé à celui des khawarij. Eux, ils prennent que les versets et que les hadiths qui parlent de la miséricorde et du pardon d'Allah. Et ils laissent complètement de côté les versets et les hadiths qui parlent de la menace du châtiment. Donc, ils sont tombés dans la bid'a contraire et l'opposé des Khawarij. Donc c'est ça ce qui arrive malheureusement lorsque des gens suivent leur passion ou lorsque des gens sont ignorants et qu'ils essaient d'étudier ou d'approcher les textes, mais sans compréhension et sans fondement, ils prennent une partie puis ils laissent les autres. Et donc c'est là que c'est comme ça, par exemple, qu'on a trouvé comme l'exemple des Qadariya et des Jabriya, et on a donné l'exemple de ça. Et là on voit l'exemple des Khawarij et des Murji'a, qui sont deux sectes qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Hein? Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, comment des gens ont défié à propos des noms et des attributs aussi, et à propos de la foi, et à propos du qadar, et ainsi de suite. Il dit, ensuite le cheikh il dit, tandis que les gens de la sunna et de la jama'a, ahle sunna wal jama'a, ils ont réuni les deux aspects, les deux parties des textes. Les textes qui parlent de la promesse d'Allah et de sa miséricorde et de son pardon, et les textes qui parlent de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son châtiment, et ils les ont pris ensemble, ils ont compris ensemble. Hein? Et donc, la cause de l'égarement et de la perdition de ceux qui ont péri ou de ceux qui se sont égarés, c'est uniquement à cause du fait qu'ils ont pris une partie des textes et qu'ils ont rejeté ou laissé de côté l'autre aspect ou l'autre partie des textes. Il dit فسبب الهلاك هو عدم الإحاطة بكل جوانب العلم فيأخذ أحد أحدهم أو يأخذ أحدهم أو فيأخذ أحدهم قسطا من العلم ويظن أنه صار عالما في حين أنه فاته الكثير من العلم الذي يوضح له ما معه ويكمله. Donc le cheikh dit la cause de la perdition de ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas une compréhension, une connaissance globale de tous les aspects de la science. Et donc qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un d'entre eux prend une partie de la science et il pense qu'avec le peu qu'il a, il est devenu un savant. Et alors qu'en réalité, il lui manque une grande partie de la connaissance et de la science qui pourrait lui permettre de clarifier ce qu'il a comme science déjà et de parfaire et compléter sa science. Hein? Donc c'est ça l'erreur. Il dit « Walil Asaf, la zalna nara hadhihi al-asnaf min al-muta'alimin » الذين لا يكادون يمسكون بطرف من العلم حتى يغتروا بأنفسهم فيضلون فيضلون ويضلون وأما أهل العلم الراسخون فإنهم لا يتكلمون في المسائل العلمية الشرعية حتى يستقصوا ما ورد فيها من النصوص والأدلة من الكتاب والسنة ويجمعوا ويجمعوا ويوفقوا بينها ثم يصدروا حكمهم. Donc le cheikh il dit, et malheureusement on voit encore aujourd'hui ces différentes catégories de personnes qui prétendent à la science et ils ne sont pas capables même d'obtenir ou de garder une partie de la science, mais ils se laissent tromper eux-mêmes parce qu'ils ont le peu de science qu'ils ont, hein, ils se laissent tromper par le peu qu'ils ont de science, et ils s'égarent eux-mêmes, et ils égarent les autres avec eux. Tandis que les hommes de science, qui sont fermement enracinés dans la connaissance de la religion, ils ne parlent pas d'un sujet qui a rapport avec la science de la charia, jusqu'à ce qu'ils aient rassemblé et réuni tout ce qui est rapporté comme texte et preuve du Coran et de la Sunna à propos d'un sujet, et qu'ils les rassemblent et qu'ils les mettent en accord les uns avec les autres, puis ensuite ils vont produire un verdict et un jugement à propos de la question. Donc c'est ça la différence entre les ignorants et entre les ulama. Il dit فَإِذَا كَانَ الْعُلُومَ الدُّنْيَوِيَّ تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةٍ وَخِبْرَةٍ فَالطَّبِيبُ مَثَلًا لا يعطى شهادة شهادة مزاولة مهنة الطب حتى يثبت أو يثبت أنه علم خباياها، لأن القضية تتعلق بالأبدان، فكذلك سائر الصناعات لا بد أن يحيط الصانع بصنعته ويعلم خباياها فمن باب أولى الشرع الذي به الحياة الأرواح وبه النجاة يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, même dans les sciences de la dunya, il faut de la connaissance et de l'expertise. Même le médecin par exemple, on ne va pas lui donner un diplôme pour pratiquer la médecine jusqu'à ce que la personne ait confirmé et établi qu'il a connu les détails de cette science et de la médecine. Parce que la question est reliée avec les corps humains et la vie des hommes. Tandis que les autres, hein, même dans les autres techniques et les autres métiers que les gens apprennent, on ne va pas lui donner sa carte de compétence dans un sujet ou bien, disons, son permis de travail jusqu'à ce que la personne ait bien appris les détails de ces différents domaines dans lesquels ils ont étudié. Donc, si c'est le cas pour ces gens-là, alors que dire de la question des gens qui parlent au sujet de la charia d'Allah et de la religion d'Allah? C'est encore plus important puisqu'ils parlent de qu'est-ce qui a rapport avec la vie des âmes et qu'est-ce qui a rapport avec le salut de l'âme au jour de la résurrection. Et ça, c'est encore plus important que la vie et la santé du corps. Hein, et les aspects physiques. Le cheikh il dit ensuite وَلِهَذَا يَقُولُ الْمَثَلُ يُفْسِدُ الدُّنْيَا أَرْبَعَ نِصْفُ فَقِيهٍ وَنِصْفُ طَبِيبٍ وَنِصْفُ نَحْوِيٍ وَنِصْفُ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ الْفَقِيهِ يُفْسِدُ الْبُلْدَانَ لِأَنَّهُ يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَنِصْفُ الطَّبِيبِ يُفْسِدُ الْأَبْدَانَ وَنِصْفُ الْمُتَكَلِّمِ يُفْسِدُ الْأَدْيَانَ وَنِصْفُ النَّحْوِ يُفْسِدُ اللِّسَانَ. Naam, donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que, yani, il y a un proverbe que les gens disent, une parole que les gens ont l'habitude de dire, et c'est que les choses qui vont, disons, détruire la dunya, qui vont corrompre la dunya, sont de quatre. Quelqu'un qui est à moitié faqih, ou qui est à moitié médecin, ou qui est à moitié, disons, grammarien, quelqu'un qui enseigne la grammaire, ou quelqu'un qui est à moitié mutakallim, c'est-à-dire des gens qui parlent de... Naam. Salam alaikum, Mamadou. J'espère que tu n'as pas eu trop de difficultés. Il ramène les trésors avec lui. Les trésors de l'Égypte. Masha'Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Il nous a ramené les trésors de l'Égypte antique. Allahu Akbar. Naam. Donc ça s'est bien passé ton voyage. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Non, ça va. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui fait les choses, mais toujours à moitié. Hein? Un moitié faqih, moitié médecin, moitié nahwi, moitié mutakallim. Il dit, celui qui est à moitié médecin, il corrompt les pays. Pourquoi? Parce qu'il fait des fatwas sans science. Tandis que celui qui est à moitié médecin, il corrompt les corps. Hein? Il tue des gens peut-être même, parce qu'il est seulement médecin à moitié. Hein? Donc il fait les choses, il n'a pas la science complète pour faire ce qu'il fait. Et le mutakallim, on appelle mutakallim celui qui, en général, celui qui parle de religion, mais pas selon la charia, pas selon le Coran et la Sunna, mais selon la théologie la logique des Grecs et des trucs comme ça. Souvent il l'appelle mutakallim. Il corrompt la religion. Et celui qui est à moitié nahwi, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la grammaire comme il faut, donc il mélange les choses et puis il corrompt la langue déjà. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit « والغرض من ذكر هذه الأحاديث هو التنبيه من الحديث هو التنبيه ومن الحديث والسنة على مثل ما في القرآن من قول تعالى وخضتم كالذي خاضوا. Je ne sais pas si vous vous souvenez, plusieurs cours précédents, en avant. Je pense que, attends, c'était les cours 26. Le cours 26. Donc ça fait déjà beaucoup de temps. On était en train d'expliquer les versets 69 dans Sourate At-Tawbah. Et depuis ce temps-là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous a expliqué « وَخُدْتُمْ كَلَّذِي خَادُوا » C'est-à-dire que vous avez disputé à propos de la religion comme ceux qui vous avaient précédé ont disputé à propos de la religion. Et donc c'est pour dire, en même temps, Cheikh al-Islam il disait, ça c'est la preuve que dans cette Ummah, il y en a qui vont disputer à propos de la religion et parler à propos de la religion sans science et s'égarer, de la même manière que dans les peuples qui nous ont précédés, il y en a eu qui ont parlé à propos de la religion sans science et qui se sont égarés et qui ont égaré des gens. Et donc c'est pour dire que là, Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il voulait montrer que même dans les hadiths, il y a des choses qui supportent ce que Allah dit dans ce verset-là, dans Surat At-Tawbah. Donc tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, depuis le cours, depuis les cours qui ont précédé, qui ont, par rapport aux hadiths qui ont rapport avec la division et la divergence, c'était pour confirmer qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait dit au sujet de l'interprétation du verset 69 dans Surat At-Tawbah. Donc quand je vous disais que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va dans les détails quand il commence à traiter d'un sujet et qu'il va jusqu'au bout, et bien là vous avez un exemple de ça. Il nous ramène maintenant ici à la page 332 à qu'est-ce qu'il disait il y a une centaine de pages plus tôt et qui nous expliquait justement l'explication de ce verset-là. Donc il dit le but d'avoir mentionné ces hadiths-là, c'est de nous faire porter attention au fait que dans les hadiths et dans la sunna, il y a la même chose que ce qui est dans le Coran au sujet de la parole d'Allah quand il dit et vous avez disputé comme ceux qui vous ont précédé ont disputé à propos de la révélation d'Allah. Donc Cheikh Al-Fawzan il parle de ça, il dit al-maqsoud min hadha al-kalam anna Cheikh rahimahullah بعد ان استطرد في الكلام وسوق الأدلة رجع إلى أصل الكلام الذي سبق على قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا وكل هذا تفسير لقوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا يعني كما أن الأمم التي قبلنا خاضت في عقائدها وفي كتبها المنزلة فسيوجد في هذه الأمة من يشابهها وقد وقع كما ذكر الله جل وعلا. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que cette parole de Cheikh Al-Islam, tout ce qu'il a mentionné comme hadith et comme explication et comme preuve, là maintenant il nous ramène à la parole qu'il disait auparavant lorsqu'il parlait du verset 69 dans Sourate At-Tawbah où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et vous avez disputé à propos de la croyance et de la religion de la même manière que ceux qui vous ont précédé ont disputé à propos de qu'est-ce qui est révélé comme croyance dans les livres révélés, et on va trouver dans cette Ummah des gens qui vont leur ressembler dans ces choses-là comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait mentionné, et il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, et c'est arrivé tel que Allah l'avait dit. C'est arrivé dans cette Ummah tel que Allah l'avait dit. Malheureusement. Il y a des musulmans, malheureusement, qui pensent que il n'y a pas de division. Je ne sais pas s'ils pensent qu'il n'y a pas de division. Parce que, franchement, de nier qu'il y a de la division, c'est comme nier le soleil en plein jour. Hein? Mais par contre, qu'est-ce qu'il nie plutôt? C'est qu'il nie qu'on doit revenir au Coran et à la Sunna pour comprendre ces divisions-là. Et pour revenir à l'unité. Et non pas chacun reste sur sa position d'égarement. Et par la suite, Allah Musta'an, il refuse d'accepter la correction et la réfutation ou la position des salaf al-salih sur les questions de la religion. Et on a vu de la part des gens de Bid'a et des Hizbiyin, que ce soit ici à Montréal, que ce soit en France ou ailleurs, il y a des attitudes qui montrent que ce ne sont pas des gens sincères, que ce ne sont pas des gens qui veulent revenir au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs salih, mais plutôt ils veulent suivre leur passion et continuer à suivre leur passion à tout prix, hein, même si c'est au prix et au dépens de la religion d'Allah, même s'ils doivent mentir sur le Coran, mentir sur la Sunna, mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur la religion d'Allah, ça c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas grave pour eux. Il y a plein d'exemples de ça, Allah musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, quand ils se sont réunis, un groupe, c'est le forum musulman canadien. C'est un groupe qui fait partie des Ikhwan. Ils suivent la tendance des Ikhwan. Et ils ont fait comment on appelle ? Tu sais, quand ils réunissent les journalistes, là. Oui, ils ont fait une conférence de presse. Et il y en a une de ces femmes musulmanes. Elle dit, on va pas être les négros des Québécois. On va pas être les esclaves et les négros des Québécois. J'ai dit à moi-même, Allahu al-musta'an. Comment quelqu'un peut se permettre de parler de cette façon, hein? Franchement, en tout cas, j'ai vu sur YouTube, subhanallah, ils se sont fait répondre, et par des noirs aussi, qui les ont vraiment insultés, parce que tu peux pas parler comme ça, en tant que musulman, de dire les négros, parce que en disant ça, tu insultes les musulmans, qui sont noirs, hein, et tu les dénigres, comme si tu essaies de faire croire que, yani, les noirs, ils ont aucune importance, aucune valeur. Donc c'est vraiment une parole, en fait, ça montre un certain racisme même, une discrimination de la part de ces juhal parmi les hezbiyin envers les noirs, Allah al-musta'an. Mais juste de voir comment ils essaient de parler aux Québécois pour se faire accepter, hein, pour essayer de montrer que non, ben on est comme vous, on n'est pas des négros ou des choses comme ça. Ça c'est complètement inacceptable de parler de cette façon-là. Puis j'espère que cette femme, elle va s'excuser, parce que qu'est-ce qu'elle a dit, c'est grave. Mais ça, c'est rien à côté de qu'est-ce qu'elle dit au sujet d'Allah et de son messager et de la religion, parce que c'est des gens qui mentent. Déjà, on sait, leur manhaj, c'est un manhaj dévié. Et leurs intérêts, c'est seulement politique. Et c'est pour cette raison-là qu'ils parlent. La seule chose qu'ils ont à se plaindre des kuffars, c'est vous ne nous donnez pas des bons jobs. Yani, vous ne nous donnez pas des bons jobs, vous ne nous donnez pas des bons postes. Et nous, on veut être haut placé dans la société, on a des gros diplômes, puis on veut faire des gros jobs et avoir des gros salaires dans votre société. Mais en ce qui concerne la religion d'Allah et d'appeler à la religion d'Allah, ça, c'est pas important pour eux. Et quand tu regardes, par exemple, les messagers d'Allah, est-ce que tu as entendu parmi les messagers d'Allah des prophètes qui sont venus à un peuple et qui ont dit « Ah, mais vous êtes islamophobe et vous êtes raciste envers les musulmans ou envers les croyants ?» Déjà, quand tu regardes dans tous les messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité, ils ont tous eu des difficultés avec les peuples vers qui ils ont été envoyés. Et c'est pas parce qu'ils étaient d'un peuple différent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a subi de la part de Quraysh? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que Quraysh était contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il était d'un peuple étranger ou qu'il parle une langue étrangère? Non. Il était au contraire du même peuple que Quraysh, de la même tribu que Quraysh, et même qu'il fait partie des plus nobles de la tribu de Quraysh, de Bani Hashim. Donc c'est pas du racisme, c'est pas comme ils disent, de l'islamophobie. Est-ce qu'ils étaient islamophobes, Quraysh? Est-ce que Quraysh était islamophobe? Hein? Donc c'est quoi ces différentes terminologies que les koufars ils inventent aujourd'hui, même les musulmans, c'est les musulmans beaucoup qui utilisent ces terminologies là et il y en a même qui ont fait des coalitions contre soi-disant l'islamophobie, mais c'est pas Oui, c'est ça. Et dans ces manifestations, qu'est-ce qu'ils font? Ils marchent main dans la main dans la rue avec les rabbins, les moines bouddhistes, les prêtres catholiques, et puis on dit on est contre l'islamophobie. Mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est ça le tawhid? C'est ça l'enseignement des prophètes d'Allah? C'est ça que les messagers d'Allah sont venus enseigner à l'humanité? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen, le message de l'islam, le message du tawhid, il est clair. Et si les croyants subissent des difficultés dans la vie des kuffar, ça c'est sunnatullah. C'est des épreuves. Et c'est, ça fait partie de la voie hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'il y ait la distinction entre les croyants et les kuffars. Hein? Et pour que les gens choisissent leur camp. Peut-être que dans la dunya, parfois, les croyants ils subissent des difficultés, mais ça fait juste élever leur degré au jour de la résurrection. Ensuite, bon, on va continuer avec ce que le cheikh Ibn Taymiyyah explique. Il dit « وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى الزُّهْرِي عَنْ سِنَانِ ابْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّوَلِي عن أبي واقد الليثي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه مالك والنسائي والترمذي ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم. Ça c'est un hadith qui est très célèbre. On le lit souvent dans les livres de Aqidah. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abi Waqid al-Layfi. Il dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn. Ce hadith là, il faut comprendre quand est-ce qu'il se passe dans le temps, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de conquérir la Mecque. Il a conquis la Mecque. D'accord? Et à ce moment-là, tout le monde, tous les mouchriquins de Quraysh se convertissent à l'islam. Donc vous imaginez que une grande portion de personnes sont tout nouveaux dans la religion, ils ne connaissent rien. Ils viennent juste de dire le shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ils n'ont pas encore étudié ou appris la religion. Parce que eux, ils viennent de se convertir à Mecca lors de la conquête. Ce n'est pas comme les Ansar et les Muhajirin et les Sahaba qui ont vécu pendant 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et qui ont étudié avec lui, qui connaissent le tawhid, qui ont vécu. Certains parmi les sahaba même, ils sont avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis une vingtaine d'années, comme Abu Bakr, Omar et d'autres. Mais eux, non, ils viennent de se convertir, ils connaissent encore pas grand chose sur le tawhid et sur l'islam. Donc ils sont sortis vers Hunayn, parce que la tribu de Hawazin, ils habitent à Hunayn et eux, ils ont déclaré la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de marcher vers Hunayn pour aller combattre cette tribu de Hawazin. Et donc, il est avec les Sahaba et un groupe d'entre eux viennent juste de se convertir. Donc, ils étaient tout nouveaux dans l'islam et ils passent à côté d'un arbre que les mouchriquins utilisaient, et dans leur croyance de jahiliya et de shirk, ils pensaient qu'en accrochant leurs épées sur cet arbre, leurs épées allaient prendre une certaine énergie ou une certaine force, et que leurs épées allaient devenir plus fortes. Hein? Alors, eux, ces sahabas qui sont tout nouveaux, ils viennent de se convertir à la religion, ils ne connaissent rien. Ça fait même pas un jour ou deux qu'ils sont devenus musulmans. Ils n'ont pas encore une compréhension profonde du tawhid. Alors qu'est-ce qu'ils demandent au messager d'Allah? sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande, ô messager d'Allah, choisis-nous un arbre pour qu'on puisse nous aussi, accrocher nos épées sur, hein, sur cet arbre, pour que nous aussi on va avoir des épées qui vont être plus puissantes, plus fortes. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas utiliser celui des mouchriquines, parce que maintenant ils sont musulmans. Mais ils n'ont pas encore compris la différence entre le tawhid et le shirk d'une manière assez complète pour être capable de comprendre que le simple fait de croire qu'un arbre peut donner à ton épée une force ou une puissance était déjà shirk en soi. Donc ils ont demandé au messager d'Allah de leur donner ou de leur désigner un arbre à eux aussi pour qu'ils puissent accrocher leurs épées là-bas. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il a dit « Allahu Akbar hein? !» pour dire qu'il est étonné et surpris. Il a dit « Inna sunan !» Mais ça, c'est les choses qui se répètent. C'est comme si c'est des règles, des lois d'Allah qui se répètent. Il dit « Vous avez dit, par celui qui tient mon âme en sa main, la même chose que qu'est-ce que Bani Israël avait dit à Moussa, alayhi salam, lorsqu'ils ont dit à Moussa « Choisis-nous une divinité » comme eux en ont une. Hein? Et donc, c'est-à-dire qu'ils ont vu, les Bani Israël ont vu les mouchriquines adorer une idole ou un veau d'or, et ils ont dit, fais-nous, à nous aussi, une divinité ou une idole ou une statue comme celle que eux ils ont, pour qu'on l'adore. Hein? Et donc, Moussa alayhi salam, il a dit, vous êtes certes un peuple qui fait preuve d'ignorance. Et donc, le prophète Mohammed a dit, certes, hein, vous allez suivre l'exemple de ceux qui vous ont suivi auparavant. Certes, vous allez suivre l'exemple de ceux qui vous ont précédé. Et c'est ça que, yani, on comprend ici dans le hadith qui est apporté par Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi et aussi par l'imam Malik. Et dans la version de Tirmidhi, il dit « Vous allez suivre l'exemple de ceux qui étaient avant vous. » Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit « هذا الحديث يؤكد ما سبق أن هؤلاء الصحابة لما كانوا حدثاء عهد بالإسلام لأنهم أسلموا عام الفتح قبيل غزوة حنين وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين بعد الفتح مباشرة ورأوا المشركين يعكفون على سدرة يقال لها ذات أضواط يعلقون بها أصلحتهم تبركا بها فلقلة علم هؤلاء وحداثة إسلامهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يفعلون عندها مثل ما يفعل الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب واستغرب وكبر الله عز وجل وقال إنها السنن أو إنها السنن يعني الطرق المتبعة صديق إنها السنن c'est les voies que les gens suivent hein, les gens, comme si vous allez suivre les gens qui vous ont précédé vous suivez les exemples de ces gens-là pas à pas et il dit vous avez dit la même chose que ce que les fils d'Israël ont dit à Moïse quand il leur a demandé de leur choisir une divinité semblable à la divinité des mouchriquins. Et donc il dit le cheikh lamma marra banu Israël ala qawmin ya'kifuna ala asnamin lahum qalu ya Moussa ij'al lana ilahan kama lahum aliha fa aslu al-bala huwa at-taqlid wa at-tashabbuh bil-kuffar wa aslu al-fisq وأهل الفسق وأهل الأهواء وهو أصل البلاء في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. Donc il dit le cheikh, les fils d'Israël, c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont vu des gens en train d'adorer des idoles. Ils ont dit, oh Moïse, fais-nous à nous aussi une idole, comme eux ils en ont une. Et ça c'est la base hein, du malheur et du suivi aveugle. Et de la ressemblance aux kuffars et aux gens de la perversité, aux gens de la passion. Et ça, c'est la base de tous les malheurs chez les peuples qui nous ont précédés et dans cette umma aussi. Il dit ensuite وَقَدْ قَدَّمْتُ مَا خَرَّجَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤخذن أمتي أو لا نعم لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر ذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك. الشيخ il mentionne un hadith, il dit on a déjà mentionné ce hadith là plus tôt au début du livre. On a mentionné ce hadith là qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri, qui mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez suivre les peuples qui vous ont précédé, pas à pas, jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre dedans. Vous allez le suivre, même dans le trou de lézard. Ils ont dit: oh messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Il a dit: qui d'autre? Si c'est pas eux, qui d'autre? Et il nous a dit ça pour nous avertir. Ça c'est, et également, il est rapporté par Al-Bukhari selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez prendre les mêmes voies qui ont été prises par les siècles des peuples qui vous ont précédé, pas à pas. Et il a dit, ils ont dit les sahaba: est-ce que tu parles des Perses et des Romains? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: qui d'autre excepté ceux-là? Qui d'autre excepté ceux-là? Donc c'est pour dire que, subhanallah, les musulmans vont suivre les juifs et les chrétiens, et les Perses et les Romains, et les peuples qui nous ont précédés. Et on a donné des exemples de ça déjà, mais il y en a plein d'autres exemples qui vont suivre encore par rapport à ça. Cheikh Al-Fawzan il dit: هذا الحديث جاء في وصف تشبه هذه الأمم أو هذه الأمم بالأمم من قبلها. فقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Il a dit, on voit dans ce hadith, yani, la description de cette Ummah, comment elle va essayer d'imiter les nations qui l'ont précédée. Et donc on voit ça maintenant aujourd'hui, comment les musulmans essaient d'imiter les juifs et les chrétiens, et les kuffars et les mouchriquins, malheureusement. Et non, les Perses, ils étaient des majus en général. Il y en avait parmi les majus qui sont juifs, et il y en a aussi qui sont chrétiens. Mais la plupart, c'est des majus. Il y en a des Perses qui étaient juifs, il y en a des Perses qui étaient chrétiens, mais la plupart, c'est des majus qui adorent le feu. Donc ça c'est pour dire que il y en a des musulmans qui vont suivre les peuples qui ont précédé. Et aujourd'hui les kuffars, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour assimiler les musulmans, et c'est ça qu'on voit dans les pays en Occident. Et il n'y a pas d'autre explication possible à qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire en acceptant que des musulmans immigrent dans leur pays, autre que de penser que leurs intentions et leurs vues, ou une de leurs intentions, c'était d'essayer d'assimiler les musulmans pour que les musulmans deviennent comme eux petit à petit. Si c'est pas après la première génération, la deuxième, et si c'est pas après la deuxième génération, la troisième, et si c'est pas après la troisième génération, la quatrième, et si c'est pas après la quatrième, la cinquième. Mais à long terme, tôt ou tard, ils ont l'intention d'assimiler les musulmans. Mais ils veulent les musulmans, mais ils veulent pas l'islam. Et tu peux pas dire je veux les musulmans sans l'islam, parce que si tu dis un musulman sans l'islam, c'est quoi? C'est pas un musulman. Donc la réalité, ils veulent pas un musulman, sinon ils voudraient l'islam de ce musulman là. Donc c'est pour ça, l'intention qu'ils ont derrière, c'est autre chose. Parce que auparavant dans l'immigration, ils faisaient venir des étrangers ils acceptaient des immigrants, mais qui sont tous, en général, des chrétiens ou des juifs. Mais ils acceptaient jamais de faire venir des musulmans. À un moment donné, ils ont décidé d'accepter des musulmans. Donc, s'ils ont accepté de faire venir des musulmans, c'est pour une intention, c'est pour une raison derrière. Hein? Parce que tout ce qu'ils font est calculé. Et chaque fois même, j'étais étonné parce que on faisait un cours, justement, un cours sur ce sujet-là, à l'université, et puis, on a, le gouvernement, chaque année, je sais pas si chaque année ou chaque année ou chaque deux ans ou quoi, ils sortent toutes les statistiques à propos des immigrants. C'est quoi leur niveau social? Dans quel quartier ils habitent? C'est quoi leur langue? C'est quoi leur, tous les détails, c'est quoi leur religion? Tous les détails sur, les statistiques qui ont rapport avec l'immigration puis les immigrants. Donc tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. C'est eux qui contrôlent et qui décident qui vient et pourquoi ils viennent et qu'est-ce qu'ils vont faire et etc. etc. Donc c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir sur le fait que si nous les musulmans on veut garder notre identité, on veut garder notre croyance, on veut garder notre religion, on veut s'attacher à nos pratiques, eh bien il faut faire en sorte justement que ce soit possible. Et si quelqu'un veut être vraiment franc et sincère, c'est pas possible qu'il le fasse dans une société dans laquelle on lui demande de s'assimiler à une société chrétienne. Et c'est pour ça que, comme je disais dans le cours précédent, ils veulent essayer de christianiser l'islam, c'est-à-dire de faire en sorte que la religion musulmane rentre dans le moule du christianisme, hein, alors qu'on sait très bien que ça c'est pas possible. Puis ensuite de ça, ils veulent essayer de faire en sorte que les musulmans changent. Et à chaque fois que les koufars ils posent des questions à des musulmans, ils disent est-ce que vous voulez réformer l'islam? À chaque fois ils disent est-ce que vous voulez réformer l'islam? En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que vous voulez christianiser l'islam? C'est ça ce qu'ils veulent dire. Mais ils le disent pas de cette façon-là. Donc ils le disent pas de cette façon-là parce que ça paraît trop, hein, que c'est y a de la corruption. Mais qu'est-ce qu'ils disent à la place? Vous voulez réformer? Ça fait plus diplomate, hein, plus diplomatique. Donc est-ce que vous voulez réformer l'islam? Qu'est-ce que tu veux dire par réformer l'islam? Enlever de l'islam tout ce qui est différent avec le christianisme, hein, puis après ça vous allez être correct. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, فقوله لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, يعني أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه بمن كان قبلنا من اليهود والنصارى ويأخذ طريقهم في كل شيء حتى في الأمور التافهة مثل حجر الضب جحر الضب, يعني سبحان الله. ومعلوم أن أعصر الجحور وأضيقها جحر الضب, ومع ذلك لو وجد في الأمم السابقة من يدخل في هذا الجحر لوجد في هذه الأمة من يدخله تقليدا لهم وتشبها بهم. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit, vous allez suivre ceux qui vous ont précédé pas à pas, même s'ils rentrent dans le trou d'un lézard, vous allez vouloir les suivre. Et ils ont dit, le cheikh il dit, c'est-à-dire que dans cette umma, dans la umma de l'islam, il va avoir des musulmans qui vont suivre les juifs et les chrétiens, qui vont vouloir tout faire pour leur ressembler et pour les imiter. Et qui va prendre d'eux tout, sans exception. Même les affaires les plus futiles et les plus insignifiantes, il va vouloir les imiter là-dedans. Même de rentrer dans le trou d'un lézard. Et il dit qu'on sait très bien que le trou le plus difficile et le plus étroit dans lequel on pourrait rentrer, c'est le trou du lézard. Mais malgré ça, si on trouvait quelqu'un dans les peuples qui nous ont précédés, qui essayait de rentrer dans le trou de lézard, tu trouverais dans cette umma quelqu'un qui essaie de rentrer dans le trou de lézard pour les imiter et pour faire comme eux. et pour leur ressembler. Donc le cheikh il dit وفي حديث أبي هريرة أن هذه الأمة تأخذ طريق فارس والروم وفارس هم عبدة النار من المجوس والروم هم النصارى ولقد كانت أعظم دولتين في وقتهما قبل مجيء الإسلام فمن هذه الأمة من يسلك مسلك هاتين الدولتين الكافرتين والمرء لا يسلك إلا مسلك من يجل ويعظم ولو خالف ما من الله به على هذه الأمة بخير الأنبياء وجعلها خير الأمم وهي أمة التوحيد أمة التوحيد التي تعبد الله في حين أن الفرس يعبدون النار والروم يعبدون الصليب ومع ذلك يوجد في هذه الأمة من يقلدهم شبرا بشبر وذراعا بذراع منهم المقل ومنهم المستكثر وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله خبر معناه النهي والتحذير من التشبه بالكفار. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit le hadith de Abi Huraira رضي الله عنه que cette umma va prendre également la voie des Perses et des Romains. Les Perses, ce sont les adorateurs du feu, parmi les Majus. Et les Romains, ce sont les chrétiens. Et ces deux empires étaient les deux empires de leur époque, avant la venue de l'islam. Donc, il y a dans cette Ummah, dans la Ummah de l'islam, des gens qui vont essayer de suivre ces deux grands empires mécréants. Et quelqu'un ne va pas suivre une voie ou un exemple d'un peuple, excepté parce qu'il a du respect pour eux. Et parce qu'il les voit grands. Donc il veut les suivre, parce qu'il les respecte. Hein? Tu ne vas pas respecter quelqu'un que tu méprises. Tu ne vas pas respecter quelqu'un que tu vois petit. Hein? Au contraire, tu vas essayer d'imiter celui que tu vois comme c'est lui pour toi le plus respectueux, la personne la plus respectée. Le plus grand modèle, hein? Comme à l'époque quand on était petit, tout le monde voulait avoir le gant de Michael Jackson et peigner ses cheveux comme Michael Jackson et imiter Michael Jackson. Pourquoi? Parce qu'on méprisait Michael Jackson? Non, parce qu'on pensait que Michael Jackson c'était le top à l'époque. On était dans le jahl, on était dans l'ignorance. Mais quand on est musulman et qu'on connaît l'islam, hein? Et qu'on sait que le modèle à suivre c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Michael Jackson ne veut plus rien dire pour nous. Et c'est pourquoi tu vois maintenant malheureusement certains jeunes musulmans qui voient des modèles de vedettes, soit dans la chanson ou dans le rap ou dans d'autres styles, dans d'autres choses des affaires de haram. Et eux, ils veulent les imiter pour leur ressembler. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est ça le modèle et l'exemple à suivre et le respect. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la foi en Allah et en ses messagers et que les plus grands modèles à suivre pour nous sont les messagers d'Allah. Pas qu'est-ce qu'une vedette parmi les kuffars fait ou quelqu'un parmi les chanteurs ou les acteurs ou les vedettes des kuffars essaie de faire. Mais aujourd'hui, à notre époque, un des moyens que les koufars utilisent pour justement influencer les jeunes musulmans et les amener à les imiter dans leur mode de vie, dans leur façon d'être, c'est par justement tous ces moyens-là. Le moyen de la musique, le moyen des cinémas, le moyen des vidéos, le moyen de tous ces trucs-là. Et c'est par ces différents moyens qu'ils arrivent à influencer une grande portion de la Ummah. Subhanallah. Donc tu vois même des endroits éloignés, au milieu du désert, puis dans des petits pays, dans des pays pauvres où il y a des petits villages, les gens connaissent rien de l'Amérique, mais ils veulent tout faire pour ressembler à un tel ou un tel parmi les vedettes des koufars qui fait du rap ou je sais pas quoi. Ajib. Hein? Alors qu'il est musulman, alors que ses parents sont musulmans, alors que tout autour de lui c'est l'islam, mais il est influencé par les vedettes des koufars et les groupes des koufars et ces groupes-là enseignent. Non. Donc l'imitation des koufars, hein, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, comme tu dis, maintenant qui veulent, comme ils sont influencés par les koufars, ils veulent faire tout ce que les koufars font. Donc eux, ils fêtent la Saint-Valentin, ils veulent faire la Saint-Valentin. Les koufars, ils fêtent l'Halloween, eux, ils veulent fêter l'Halloween. Les koufars, ils fêtent Noël, donc eux, ils veulent fêter Noël. Les koufars, ils fêtent le jour de l'an, ils veulent fêter le jour de l'an. Puis à chaque fois qu'il y a une fête qui arrive, tu es obligé de faire une khutbah pour dire aux musulmans, fêtez pas cette fête-là, fêtez pas cette fête-là, fêtez pas cette fête-là. Et après, il y a une autre qui arrive, et là, ils demandent, mais celle-là, est-ce qu'on a le droit? Non, toutes les fêtes, on n'a pas le droit, subhanallah. C'est pas juste une fête, ou deux, ou trois, ou quatre des koufars qu'on n'a pas le droit de fêter. Toutes les fêtes des koufars, on n'a pas le droit de fêter, sans exception. Oui, non, c'est ça. C'est exactement ça. Le but, c'est ça, de les faire éloigner de plus en plus. Et ici, bon, encore, c'est encore léger. Mais on le sent parce qu'on sent que, bon, ici, il y a un mouvement nationaliste qui pousse. Hein, l'indépendance, donc à cause de ça ils veulent faire tout leur possible pour essayer d'éliminer toute question de religion, hein, de la société. À l'époque, quand il y avait les écoles étaient encore confessionnelles, il y avait les écoles, les commissions scolaires protestantes et catholiques, un des moyens qu'ils ont utilisé pour laïciser les écoles, c'est de dire, mais là la société est multiculturelle maintenant. Donc, si on enseigne juste la religion catholique et la religion protestante, les autres qui sont pas catholiques ou protestants, comme les musulmans et autres, eux, ils n'auront pas leur place dans la société. Donc, il faut enlever la confession, les religions confessionnelles, les écoles confessionnelles, et faire des écoles où on pourra avoir chacun leur religion et ainsi de suite. Donc, ils ont fait pousser ce projet-là. Et ils ont réussi à déconfessionnaliser les écoles. Une fois que les écoles sont déconfessionnalisées, donc là on dit, bon ça y est maintenant qu'il n'y a plus cette loi qui empêche de faire des écoles musulmanes, donc maintenant vous allez permettre aux musulmans de faire leurs écoles, hein, et apprendre aux musulmans dans les écoles la religion musulmane, et donner des cours de religion islamique, et laisser les musulmans prier, faire leur prière à l'école, et porter leur voile à l'école, et pratiquer leur religion. Non, maintenant, on veut la laïcité totale. Hein? Donc, l'argument qui était au début, de dire il faut laïciser les écoles pour laisser la place aux musulmans, maintenant, on utilise la même idée, mais contre l'islam, maintenant. Parce qu'on voit que les musulmans veulent prendre la place. Donc, tout leur objectif et leur plan, c'est d'éliminer complètement toutes les religions, et en particulier l'islam, parce que l'islam c'est la seule religion qui reste, qui oppose ce système-là qu'ils essaient d'établir. Un système basé sur le matérialisme et sur le kufr, et qui éloigne complètement l'être humain de son créateur, et de la raison pour laquelle Allah a créé les hommes sur la terre, c'est-à-dire l'adoration. Donc on va plus vivre pour adorer Allah, mais on va vivre pour adorer les êtres humains. Et obéir à des hommes aveuglément dans tout. Hein? Qu'est-ce qu'eux ils veulent rendre halal, c'est ça ce qui est halal. Et qu'est-ce qu'ils veulent rendre haram, c'est ça ce qui est haram. Peu importe qu'est-ce que ce soit en contradiction avec la religion d'Allah et les enseignements des prophètes, ça c'est pas grave. L'important, on obéit à leurs ordres et à leurs lois. Et à qu'est-ce qu'ils votent dans leur parlement. Et c'est comme s'ils veulent se mettre à la place de Dieu. Et c'est eux qui veulent décider le bien et le mal et comment les hommes doivent vivre. Tout ça au nom de soi-disant le peuple et de respecter la volonté du peuple, comme si leur volonté c'était la volonté de tout le peuple et la volonté de Dieu ça n'a pas d'importance pour eux. C'est ça le danger de derrière tout ce qu'ils enseignent. Donc le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de cette umma, la umma de l'islam, Allah a donné la faveur à la umma de l'islam d'être la meilleure umma et de suivre le meilleur des prophètes. Et il a fait de cette umma la meilleure des nations. Et c'est la nation du tawhid, celle qui adore Allah. Tandis que les Perses, eux, adoraient le feu et les Romains adoraient la croix. Les musulmans, eux, adoraient Allah seul, le Créateur. Mais malgré tout, malheureusement, à cause de la faiblesse de la foi de certains musulmans, le manque de conviction ou l'ignorance ou les passions, on trouve dans les musulmans certains qui veulent essayer d'imiter les kuffars. Et ils commencent à les imiter petit à petit. Petit à petit, certains les imitent un peu, certains les imitent beaucoup. Hein? Et tout ça, c'est pour montrer, en fait, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il nous a informé au sujet de ces questions-là, tout ça, c'est toujours dans le but de quoi ? Dans le but d'interdire et d'avertir la Ummah contre l'imitation des kuffars. Et quand on dit l'imitation des kuffars, c'est pas l'imitation d'un peuple en particulier parmi les kuffars, mais les kuffars en général, peu importe de leur origine, peu importe de leur couleur, parce que l'islam c'est pas une religion pour un peuple en particulier, c'est pour tous les hommes de toute l'humanité, les noirs, les blancs, hein, les rouges, les jaunes, peu importe la couleur, peu importe la langue, peu importe le lieu géographique. Si t'es un être humain, Allah il t'appelle à te convertir à l'islam et à accepter la religion de vérité. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici, hein, peut-être, ou continuer un petit peu. On va encore continuer 10 minutes, après on s'arrête. D'accord ? Le cheikh il dit « وَهَذَا كُلُّهُ خَرَجَ مِنْهُ مَخْرَجَ الْخَبَرْ عَنْ وُقُوعِ ذَلِكَ وَالذَّمْ لِمَنْ يَفْعَلُهُ كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشرات والأمور المحرمات فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. Donc le cheikh il dit, tout ce qu'on a dit à propos de l'imitation des kuffars, tout ça c'est dit parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a dit ça de quelle façon? Il nous a dit ça de la façon pour nous annoncer que ça va se produire dans l'avenir. Donc c'est comme s'il nous disait, cette chose-là va se produire. Mais est-ce que ça veut dire que, parce qu'il a dit que ça va se produire, qu'on n'a pas le choix de l'accepter, puis qu'on doit l'accepter? Non. Il nous dit ça dans le but de blâmer cette chose, dans le but de blâmer celui qui les imite. Et de nous avertir, comme il nous a averti au sujet des signes de la fin des temps, et qu'il nous a dit que certains péchés allaient être faits avant le jugement dernier, parmi les interdictions. Et donc, on peut comprendre par cela que l'imitation du fait que cette umma imite les juifs ou les chrétiens ou les perses ou les romains, ça fait partie de ce que Allah et son messager ont blâmé. Hein, et c'est ça l'objectif, et c'est ça le but derrière cette mise en garde de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit, قَوْلُهُ وَهَذَا كُلُّهُ خَرَجَ مِنْهُ مَخْرَجَ الْخَبَرُ لَمْ يَقْصُدْ بِهَذَا الْإِخْبَارُ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارُ فَقَطْ. Donc il dit, quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné ça comme une information que ça allait se produire, c'est pas juste pour nous informer que ça va se produire seulement. Hein? Il dit, il a uniquement voulu par cela nous avertir. إنما قصد من ذلك التحذير من التشبه بهذه الأمم المنحرفة من اليهود والنصارى وفارس والروم وأن نعتز بما عندنا مما أعطانا الله من الكرامة والفضل. Donc il a dit ça uniquement dans le but de nous avertir contre la ressemblance et l'imitation de ces peuples déviés parmi les juifs et les chrétiens et les perses et les romains, pour que nous prenions une fierté de ce que Allah nous a donné de notre religion et qu'on prenne en cela notre honneur et notre noblesse et notre mérite. ثم إنه لا بد أن يكون للمسلم شخصية مستقلة متميزة عن غيره. Il dit ensuite, il faut que le musulman il ait une personnalité indépendante et distinguée des autres. Le musulman il va pas être celui qui est une personnalité faible, qui cherche toujours à ressembler aux autres et imiter les autres et suivre les autres. Non. Le musulman il a sa personnalité et son identité à lui, personnelle et indépendante et distinguée. il se distingue des autres, il se distingue des koufars. Il n'essaie pas de les ressembler et de les imiter. Et je trouve ça vraiment triste, hein, quand tu vois par exemple dans une mosquée, que ce soit une grande ou une petite mosquée, et tu regardes les gens qui viennent prier, comment ils s'habillent. Et que tu les vois, la majorité, plus que la moitié de ceux qui viennent prier, il n'y en a pas un qui s'habille, hein, de la manière dont les gens s'habillent dans son pays. Pourquoi? Parce que tout le monde veut maintenant s'habiller à l'occidental. Dans les pays musulmans même, avant les pays non musulmans, allez faire un tour dans les pays musulmans, les pays arabes, et regardez combien de musulmans s'habillent d'une manière traditionnelle, par opposition à ceux qui s'habillent avec les vêtements occidentaux, et vous allez voir. Pourquoi? Tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'un complexe. D'un complexe d'infériorité, du fait qu'on pense que celui, hein, qui s'habille à la façon occidentale, il est meilleur. Il a plus de prestige. Il est plus élevé socialement. Il mérite plus de respect. Pourquoi? Parce qu'il s'habille à la façon occidentale. Donc il est en avance. Tandis que ceux qui s'habillent de manière traditionnelle, les traditions de son pays, qui sont les traditions islamiques et musulmanes, eh bien, il est backwards. Hein? Il est inférieur, il est rétrograde. Hein? Il est pas évolué, il est pas moderne. Hein? Pourquoi ça? Pourquoi toute cette mentalité? Parce qu'il y a ce complexe d'infériorité chez beaucoup de musulmans, et ils le réalisent même pas. يعني إلا ما رحم الله إلا ما رحم الله et السعودية c'est vrai un des pays musulmans qui est très attaché à sa culture et à sa tradition c'est l'Arabie Saoudite. Ils n'ont jamais subi de colonisation de la part de l'étranger. C'est un pays qui a jamais été colonisé par aucune puissance occidentale. Même les Britanniques ne sont jamais rentrés là-bas, hein, qui aurait supporté cette chaleur? Hein? Donc ils n'osaient même pas essayer de rentrer. Mais c'est pour dire, malgré tout, il y a des jeunes là-bas qui sont influencés. Pourquoi? Parce qu'il y a la télé, il y a toutes sortes de choses qui viennent de l'extérieur, et les jeunes, malheureusement, ils sont influencés par ça, et ils essaient d'imiter les koufars. Hein? Mais alhamdoulilah, heureusement, il y a des ulama, il y a des mashaykh, il y a des gens qui appellent là-bas et qui clarifient aux gens. Hein? Ils font des khutab pour ça, pour expliquer aux gens l'interdiction d'imiter les koufars. Il y a des cours, il y a des livres sur ça. Donc c'est clarifié là-bas. Et nous qu'on vit maintenant dans un pays de kouf, en plein milieu du ventre de la bête, hein? Et on ne va pas parler de l'interdiction d'imiter les koufars. Si on se tait, on est perdu. On est perdu d'avance. Une fois j'ai fait une khutba. Je me rappelle quand j'étais imam à Dar al-Arqam, il fait une khutbah de Sheikh Al-Fawzan. La plupart des khutab que je fais, c'est des khutbahs écrits par les ulama. C'est rare que je fais ma propre khutbah. Hein? Donc, une des khutbahs que j'avais fait, c'est une khutbah de Sheikh Al-Fawzan. C'était sur l'interdiction d'imiter les koufars. Après la khutbah, un des responsables de la mosquée m'a appelé dans le bureau. Il a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui, une khutbah des ikhwan? J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, akhi, c'est pas une khutbah des ikhwan. J'ai pris une khutbah dans les khutab de Sheikh Al-Fawzan. Au sujet de l'interdiction, l'imitation des koufars. Il a dit, ouais, mais ça c'est bon pour l'Arabie Saoudite, c'est pas bon pour ici. J'ai dit, subhanallah. Est-ce qu'il y a un islam pour l'Arabie Saoudite et un islam différent pour ici? Et ça ressemble à ce que les koufars disent. Ils veulent pas qu'on enseigne le vrai islam. Ici, ils veulent un islam de France, un islam du Québec, un islam de... Hein, dans chaque pays, il faut changer d'islam. Allah al-Musta'an. Non, il y a un seul islam, un seul Coran, une seule sunna. Hein? Donc, je lui ai expliqué, mais c'est pour dire, subhanallah. C'est sûr que s'il y a des choses qui sont spécifiques à la société saoudienne, des problèmes qui sont de là-bas spécifiques à la société là-bas, c'est sûr que je ne veux pas mentionner ça ici à Montréal parce qu'il n'y a aucun lien avec qu'est-ce qu'on est en train de, de vivre. Donc il y a des choses, parfois le cheikh dans la khutbah, il dit quelque chose qui est spécifique à l'Arabie Saoudite par rapport à un problème qui est là-bas, quelque chose qui est là-bas, ou quelque chose qui est relié à la société là-bas, du fait que là-bas c'est un pays musulman, une société musulmane avec un dirigeant musulman qui applique la charia et qui juge selon l'islam. Donc si tu vas prendre tout ce que le cheikh il dit et tel quel, puis tu vas le dire ici, comme si vous avez un problème, amenez-le au tribunal islamique. Le cheikh il dit amenez-le au tribunal islamique. Ici il n'y a pas de tribunal islamique, donc tu ne peux pas dire ça, hein? Mais tu peux dire amenez-le au ulama, ou amenez-le au machair, et expliquer de cette façon, tu vois. Donc ça c'est des exemples. Mais tout ça c'est pour faire comprendre que, comme le cheikh l'islam il le dit ici, donc c'est pour que les gens sachent qu'on ne doit pas imiter, et pour mettre en garde contre l'imitation des peuples qui ont dévié parmi les juifs et les chrétiens, et prendre une fierté de notre religion et être fier de notre religion, pas de se cacher ou d'avoir honte. Maintenant, pourquoi beaucoup de musulmans aujourd'hui ils ont honte et ils se cachent? À cause des khawarij, à cause des takfirines et des khawarij qui font des actes de terrorisme comme Daesh, Al-Qaïda et tous les autres. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? Ils nous mettent ça dans les médias tous les jours. Et là, après, quand tu marches dans la rue, tu vois tout le monde te regarde comme s'ils ont peur de toi. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que du fait que tu es musulman, que tu es un terroriste toi aussi. Alors que toi, tu n'as rien à voir avec ça. Hein? Et donc, c'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que, alhamdulillah, les ulama de l'islam, ils se désavouent de Daesh et des Khawarij et des autres. Et hier, j'écoutais le reportage qu'il y avait entre Anne-Marie Dussault avec Sharpaoui. Allah al-Musta'an. Le gars, subhanallah, pendant je ne sais pas combien de temps, la femme, elle lui demande juste une question. Est-ce que tu es d'accord avec Daesh? Est-ce que tu peux te désavouer de Daesh? Le gars, il tourne en rond, il fait tout pour éviter la réponse, il ne veut pas répondre. Parce que la réalité, c'est quoi? Hein? On le sait que c'est des gens qui défendent le manhaj de Khawarij. Donc il ne veut pas se désavouer de Daesh, parce qu'il pense les mêmes idées que Daesh. Mais, alhamdoulilah, s'ils avaient posé cette question à n'importe quel salafi sur la terre, n'importe quel musulman salafi, que ce soit un savant ou un étudiant ou un débutant, il n'aurait pas hésité une seconde à dire on est contre Daesh, et on est contre les Khawarij, et on est contre les Takfiriyin, et on est contre les terroristes, et on est contre tous ceux qui font ces actes. Et on dit à tous les musulmans, n'allez pas en Syrie, n'allez pas combattre avec Daesh, hein, parce que ce sont des Khawarij. Ce sont des gens qui ont opposé le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont contredit la voix des salafs salih et la voix des sahaba. Hein? Et les sahaba ont combattu les gens comme eux. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il a combattu les khawarij, al-haruriya. Il les a combattus et il les a exterminés. Donc comment toi, aujourd'hui tu dis que tu vas aller les défendre et que tu vas être d'accord avec ce qu'ils enseignent, ou tu vas refuser de les condamner? Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta compréhension de l'islam. Et donc il a beau mentir, mais la réalité est claire. Et même les koufars, il peut pas les tromper. Il essaie de tromper les koufars, mais les koufars sont pas si stupides que ça. Donc s'il n'y avait pas cette question, même si ces gens-là, les Khawarij aujourd'hui sont en train de donner une mauvaise image à l'islam et aux musulmans, c'est pas une raison et c'est pas une excuse pour nous d'avoir honte de l'islam et de ne pas y se distinguer des koufars. Au contraire, il faut faire une claire distinction entre qu'est-ce que l'islam est réellement et qu'est-ce que les Khawarij sont en train de faire et qu'est-ce qu'ils suivent, et leur faire comprendre qu'il n'y a aucun lien entre l'islam et qu'est-ce que ces gens-là font en suivant la voie des Khawarij, et que ça n'a rien à voir non plus avec le djihad, parce que le djihad, c'est pas qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire, et qu'on suit, alhamdoulilah, l'islam selon la compréhension des salafs, et on est opposé à ce que ces gens-là sont en train de faire. Le cheikh il dit ensuite, « ثم إنه لا بد أن يكون للمسلم شخصية مستقلة عن غيره. يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. » C'est le verset 139 dans surat Al Imran. Ça signifie quoi? Yani, ça veut dire le verset qui signifie et ne faiblissez pas et ne vous attristez pas, soyez pas tristes, alors que vous êtes au-dessus, vous êtes ceux qui êtes les plus élevés si vous êtes croyants. Et donc, pour comprendre ce verset-là, c'est pour comprendre en réalité que le fait qu'on soit fier, qu'on soit haut, qu'on soit élevé, c'est pas par rapport à notre richesse, par rapport à notre statut, par rapport à notre puissance matérielle, par rapport aux effets de la dunya, qu'on soit évolué dans les affaires de la vie d'ici-bas, mais c'est par rapport à notre aqida, et c'est par rapport à notre foi. C'est ça qui fait qu'on est élevé et qu'on est haut. Et donc on ne doit pas s'affaiblir et on ne doit pas s'attrister. Une fois qu'on est mu'min, on est les plus hauts. Si on est mu'min, on est au-dessus des kuffar, peu importe. Après le cheikh il dit wa qawluhu fa'ulima anna mushabahata hadhihi al-umma yani qawluhu sallallahu alayhi wa sallam akhbara an at-tashabbuh wa hadhara wa karrara fa hadha yadullu ala anna at-tashabbuh bil kuffar shadid at-tahrim wa la yajuz لأننا إذا تشبهنا بهم في الظاهر فإننا سنتشبه بهم في الباطن ومشابهة الظاهر تدل على محبة في الباطن أي فلو كان يبغضهم ما تشبه بهم. Donc le cheikh il dit, et donc on a su que de ressembler au peuple des juifs et des chrétiens, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé. Il dit, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti, et il a répété cet avertissement contre le fait d'imiter les kuffars. Et ça indique quoi? Le cheikh il dit, ça indique que d'imiter les kuffars, c'est quelque chose qui est sévèrement interdit. C'est pas juste quelque chose qui est interdit comme ça, c'est shadid al-tahrim. Sévèrement interdit et que ce n'est pas permis. Et donc il dit que si on les imite dans leur apparence extérieure, eh bien ça indique que à l'intérieur il y a quelque chose aussi qui leur ressemble, parce que en général, même si tu dis mais je les imite juste à l'extérieur, dans l'habillement, dans l'apparence, mais dans mon cœur je suis différent, j'accepte pas leurs croyances, j'accepte pas leurs idées. Il y a quand même quelque chose qui est influencé à l'intérieur aussi. Sinon, s'il n'y avait rien de pareil à l'intérieur, il n'y aurait pas cette tendance à vouloir leur ressembler extérieurement aussi. Parce qu'il dit que la ressemblance extérieure indique un amour à l'intérieur. La ressemblance à l'extérieur indique qu'à l'intérieur, il y a de l'amour pour la personne que tu imites. Pour la personne à qui tu veux ressembler. Non. Même dans les pays musulmans, effectivement. Mais ça, c'est des choses, ça fait partie des choses qui sont des signes et des preuves de l'amour et en même temps de la faiblesse de la foi. De la faiblesse les preuves que les musulmans ont déviées dans ces aspects-là, malheureusement. Et donc, c'est pour ça il faut se poser les questions, tu vois. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai écouté les bons durus de Cheikh Al-Fawzan sur le commerce. Et écoutez-les, yani, mashallah, vous allez apprendre beaucoup de choses. Même, il parle de ces questions-là aussi dedans. Tu vois? En principe, si un kafir t'engage pour faire un travail, il ne devrait pas te regarder comment tu t'habilles. S'il veut vraiment ta compétence et ton savoir-faire, et ta connaissance, eh bien, il devrait se suffire de savoir que tu vas faire ton travail, que tu t'habilles, de cette façon, ou que tu t'habilles d'une autre façon. Mais qu'est-ce que tu dis, comme tu dis, même dans les pays musulmans, j'ai remarqué que quand c'est des hommes d'affaires, même si à l'extérieur de leur travail, ils s'habillent avec leurs vêtements traditionnels musulmans, mais quand ils vont travailler, ils vont porter le veston cravate. Parce que ils ont comme, on les a comme programmés à croire ou à penser que quand on parle d'affaires et qu'on veut être sérieux en affaires, il faut porter ce costume et cet habillement. Que si tu ne le portes pas, tu n'es pas sérieux. Il y a quelque chose qui est déficient. Et ça, je l'ai remarqué, Allah al-Musta'an. Mais nous, on sait que les plus grands criminels au monde sont ceux qui portent des vestons cravates. Non. En commençant par la mafia et autres. Hein? Allah al-Musta'an. Et pourtant, regarde le juge à la cour, comment il s'habille. Il porte un qamis. Hein? Et les avocats aussi. Pourquoi ça? Ils disent que historiquement, avant, c'était pour s'habiller comme les musulmans. Et même le chapeau qu'ils portent à la graduation, puis la toque, tout ça, ils disent que c'était pour imiter les musulmans. Parce que dans le passé, les koufars voulaient ressembler aux musulmans à l'époque où les musulmans étaient plus évolués, plus avancés, sur tous les plans. C'est l'Occident qui voulait imiter les musulmans et qui voulait leur ressembler. Hein? Quand les koufars de l'Europe venaient en Espagne, ils pensaient qu'ils voyaient que toute la science et l'évolution des musulmans étaient des années lumière en avance sur eux. Ils vivaient dans la noirceur et l'obscurité, les ténèbres et l'ignorance. Ils voyaient les musulmans qui vivaient dans la clarté, dans la lumière, dans la propreté. Donc ils ont dit, nous aussi on veut ça. Hein? Mais en tout cas, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais ça c'est des choses que même eux, ils le savent. Donc le cheikh, il dit, si vous, vraiment ils les détestaient, les koufars, pour Allah, ils ne leur ressembleraient pas. Ils n'essaieraient pas de les ressembler. Donc c'est ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera le cours prochain. Cours bi'ivnillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.